ses expéditions militaires. Voici en peu de mots ce qu'il fit pendant les 9 années que dura son commandement. Toute la Gaule comprise entre les Pyrénées, les Alpes, les Cévennes, le Rhône et le Rhin, c'est-à-dire dans un circuit de quelque 3 200 000 pas, il la réduisit en province romaine, à l'exception des villes alliées et de celles qui avaient bien mérité de Rome, et il imposa au pays conquis un tribut annuel de 40 000 000 de sesterces. Il est le premier qui, après avoir jeté un pont sur le Rhin, ait attaqué les Germains au-delà de ce fleuve, et qui leur ait infligé de lourdes défaites. Il attaqua aussi les Bretons jusqu'alors inconnus, les vainquit et en exigea des contributions et des otages. Au milieu de tant de succès, il n'éprouva que 3 revers. L'un en Bretagne, où une violente tempête faillit détruire sa flotte, un autre en Gaule devant Gergovie, où une légion fut mise en déroute, et le troisième sur le territoire des Germains, où ses lieutenants Titurius et Aurunculeius périrent dans une embuscade.